هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إن شاء الله تعالى on est avec et on terminera cette série avec ce dernier cours ce soir concernant les règles de tajwid. Donc on va faire le dernier cours inshallah ta'ala ce soir et on aura vu toutes les règles, d'accord, sans rentrer dans des détails qui, je pense, auraient été trop compliqués pour les gens en général, et sans négligence. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa la nuzakki 'ala Allahi ahada wa billahi tawfiq wa hadha min fadlillahi 'azza wa jal. Je pense qu'on a assez détaillé de règles pour pouvoir lire correctement inshallah ta'ala al-Qur'an al-Karim. Lakin ici, je tiens à rappeler à mes frères et sœurs que c'est pas parce qu'on connaît les règles que ça y est, on va ne pas faire d'erreur, et même si on les connaît et on a mis en application à travers beaucoup d'exercices, ici on va tous et toutes sûrement être amenés à faire des erreurs. Kullu bani adam khata. Donc ça ne veut pas dire que tu vas être infaillible dans la lecture ou dans la récitation. D'accord? Tu peux faire des erreurs, mais bi'idhnillahi azza wa jal, si tu appliques, d'accord, ces règles au mieux, bi'idhnillahi azza wa jal, en tout cas tu tomberas pas dans ce qu'on appelle al-lahn al-jali. D'accord? Ce qui est strictement interdit, d'accord? Et ce qui fait de toi une personne qui a commis ici une erreur et tu mérites le péché. Tu as fait un interdit. Amma al-lahn al-khafi. Ici, je tiens à rappeler à mes frères et sœurs que ici, on peut tous et toutes être amenés à faire des erreurs, car ici, il faut savoir que c'est très subtil ici et c'est très technique, et ici, on peut être amené à faire des petites erreurs, même si on les met en application au mieux. Lakin, le principal, c'est de perfectionner au mieux sa récitation, inshallah ta'ala, et du moins de reconnaître son erreur quand tu as fait une erreur, et ici, de pouvoir se corriger, parce que maintenant, tu as les règles. Tu sais comment te corriger, comment tu dois appliquer telle règle, comment tu dois sortir telle règle, quel est le point d'articulation de telle lettre, ila akhiri. Wadih? Et bien, idhnillahi azza wa jal, quand on terminera ce dernier cours, normalement ici, pour les frères du moins qui suivent les cours à la mosquée ici, on faisait le jeudi et le dimanche bayn al maghribi wal isha, l'apprentissage par cœur, je dis bien par cœur ici, de la sourate que j'explique, d'accord, le tafsir de la sourate qu'on explique, d'accord, comme on l'a fait par exemple pour sourate al-ahzab, pour sourate saba, etc. Là on était avec sourate al-mulk. Donc comme j'ai dit et je répète aux frères, ça c'est simplement le fait de pouvoir ici rester dans l'ambiance de l'apprentissage du Coran, espérer recevoir la récompense divine, comme le prophète a cité dans le hadith authentique où il dit, il n'a pas un peuple ou alors une communauté ou des gens qui se réunissent fi baytin min buyutillahi azza wa jal yatluna kitab Allah, dans une mosquée parmi les demeures d'Allah azza wa jal, ils lisent le livre d'Allah azza wa jal et ils l'étudient sans qu'Allah azza wa jal descende sur eux quoi, as-sakina wa ghashiyatuhumur rahma, et que la miséricorde d'Allah azza wa jal les couvre. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Et regardez, il a précisé, ici le prophète alayhi salatu wassalam, l'étude du Coran. Il récite et il lise le Coran et il l'étudie. Et ici, et que les anges ne les entourent de leurs ailes, et sans qu'Allah azza wa jal, ici, ne les cite auprès de des gens qui sont auprès de, c'est-à-dire qu'il les cite dans les cieux. D'accord? وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. D'accord? Allah azza wa jal les cite, les mentionne, d'accord, auprès des de l'malaïka, auprès des anges. Donc on a cette récompense, mais ce n'est pas un programme pour pouvoir avancer énormément dans l'apprentissage du Coran. D'accord? Ça je l'ai dit, je le répète, je ne cesse de le répéter aux frères. Ça c'est pour bien avancer doucement mais sûrement, parce que alhamdoulillah en parallèle, et c'est pour ça que vous voyez très bien, j'adapte toujours quand je vois qu'on est trop avancé dans le tafsir. Je m'arrête un peu, quand je vois qu'on est avancé dans le tafsir, j'accélère un peu l'apprentissage pour que ça soit proportionnel. Ce qu'on apprend, on l'explique. Ce qu'on apprend, on l'explique. D'accord? Comme ça, ça sert d'argument d'accord, solide quand on veut faire une da'wa construite. Tu sais comment et quand placer le verset coranique, et tellement que tu l'as répété et tellement qu'on l'a expliqué, ça devient assez facile et assez aisé. Wadih. Amma, comment apprendre le Coran al-Karim, d'accord, min bidayatihi, min surat al-Baqarah hatta surat al-Nas, jusqu'à surat al-Nas, comment l'apprendre par cœur et comment le comprendre par cœur, d'accord, comment l'apprendre et comment le comprendre, parce que la plus grande sagesse et la plus grande des raisons et des causes pour laquelle ou pour lesquelles le Coran a été révélé, c'est pourquoi la méditation et l'application. Bi ijma' al-ulama, apprendre le Coran par cœur, c'est quoi le hukm? C'est obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'apprendre le Coran al-Karim par cœur, à l'unanimité des savants, d'accord? Mais ici, mettre en application les ordres prophétiques et les ordres divins, c'est obligatoire ou pas? C'est obligatoire. Donc comment apprendre le Coran al-Karim par cœur? Et inshallah ta'ala, comment comprendre le Coran al-Karim? Pour cela, quand j'aurai terminé ce cours ce soir inshallah ta'ala, mardi soir entre le Maghrib et l'Isha, on va faire ce cours-là ou une sorte de conférence. D'accord? Je vais donner sa'utikum ba'd al-wasaya. D'accord, je vais vous donner certaines recommandations bi'idhnillah azza wa jalla à travers les paroles de al-ulama, des gens de science, pour apprendre le Coran al-Karim par cœur, préserver l'apprentissage, comprendre al-Karim, al-Quran al-Karim comme il se doit et pouvoir inshallah ta'ala le mettre en application. Et je vais vous donner des recommandations inshallah ta'ala pour pas se perdre. Parce que comme disait al-ulama, de façon très rapide, après on rentre dans le vif du sujet parce que le cours il est pas très long. Ici le fait est de toute façon en général, au moment même la religion, l'apprentissage de la science, l'apprentissage de le Coran, c'est comme une sorte de grand marathon. Au départ, il y a combien de personnes? Il y a plein de monde. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a différents types de personnes qui participent à ce marathon. D'accord? Parmi ces personnes-là, je donne une métaphore, on commence déjà à rire. Une métaphore, hein, c'est une métaphore. Parmi ces gens-là, vous allez trouver une personne qui comprend pas qu'au bout de quelques mètres, il s'arrête déjà. Pourquoi? Parce que quand il baisse la tête, il se rend compte qu'il n'a pas mis des baskets, mais il a mis des mocassins ou des chaussures de ville. Regardez, comprenez? Il y a des gens, ils veulent avancer dans l'ilm. Ils veulent avancer dans l'apprentissage du Coran, mais le miskin, il n'a pas compris que déjà savoir être prêt, se préparer pour pouvoir commencer ce marathon, il ne l'a même pas fait. Il ne connaît même pas les règles de Tajwid. Il ne connaît même pas, il ne sait même pas comment faire les ablutions. Il ne sait même pas comment faire la prière. Il ne connaît même pas les choses élémentaires dans la religion. Non, khlas. Moi, je veux devenir un talib al-ilm. Moi, je veux apprendre ça. Oh non, pourquoi on fait encore ça? Moi, je veux déjà avancer là. Moi, je veux déjà commencer dans surat al-Baqarah. Moi, je veux, avant, ya akhil habib, prépare-toi, apprends les règles de tajwid. Révise ton intention. Et ici, préserve ce qu'on appelle al-awlawiyat, les priorités en islam. D'accord? Il y a d'autres personnes dans ce marathon, ils vont courir. Ah, il va dire, c'est bon, je suis le premier. Mais le miskin, il sait pas que quoi? Tout le monde a couru vers là-bas, et lui, miskin, est parti par là-bas. Et il y en a des gens comme ça. Il court, il dit, ah, c'est bon, il y a personne à droite, à gauche, c'est que je suis le premier. Miskin, il est loin, miskin. Au lieu de courir avec les gens, non, lui, il est parti par là-bas. La khurz, ici une métaphore pour parler de qui? La personne, au lieu de commencer par qisar as-suwar, d'accord, eh bien, les vérifier, d'accord, qabla an yuhaqqiq qisar as-suwar yabda bi surat al-baqara. Ajib. Tu lui dis, récite-moi, yani, idha shams kuwirat, Allahu a'lam, je l'ai pas bien encore apprise, ou récite-moi surat al-ikhlas, ou surat al-fatiha, ou, il a même pas terminé juz amma, ala al-aqal juz amma, et je vais vous donner les recommandations par quoi on commence et tout, etc. On va fractionner le Coran avec les 10 juz, etc. On va donner les recommandations. Mais ala kulli hal, les savants, ils recommandent tous en général, commence par juz amma, que tu commences par surat al-baqara, ou bien que tu veux commencer par l'ankabut pour finir les 10 derniers juz, ou bien, d'abord termine juz amma. Lui, il a même pas terminé juz amma, il veut partir, il veut voler déjà, partir à surat al-baqara, il dit, oh, ça y est, je suis déjà loin, moi, regarde surat al-baqara. Mais il sait pas que miskin, il a pris la mauvaise route. Et il y a d'autres personnes qui s'essoufflent vite dans le marathon. Ah, ils commencent bien, c'est les premiers. Ah, ils sont motivés. Mais après, khlas, au bout de quelques mètres, quelques kilomètres, il a tellement voulu aller vite qu'il s'arrête, il abandonne. Et ça, c'est les gens qui veulent se précipiter. Et qui, ici, disent, je veux apprendre beaucoup. Il est motivé, son intention est bonne. Je dis pas son intention n'est pas bonne. Son intention est bonne, mais il se précipite. Et il veut trop faire d'un coup. Et après, il va s'épuiser. C'est une ruse de shaitan jusqu'à ce que, wal'iyadu billah, il va se lasser. Clair? Et ça, j'en ai dit déjà trop, mais là, ça, ici, on le laisse le reste, inshallah, pour le cours de mardi, simplement pour vous montrer et expliquer bien comme il se doit de la base jusqu'à la fin, comment avancer pour l'apprentissage du Coran, et aussi pour al-ilm, umouman, de façon générale, inshallah, on verra ça mardi. À la kulli hal, on termine avec le dernier cours des règles de tajwid. Bien que, ici, je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent via Internet, qui ont dit, on a compris, alhamdoulilah, et je sais qu'il y en a d'autres qui nous disent, oui, mais il y a des règles qui sont un peu complexes, je n'ai pas trop compris, etc. Lakin bi'idhnillahi azza wa jalla, en revoyant les cours, en réécoutant les cours, en se concentrant, et si les frères et les sœurs ont la possibilité, et je pense que c'est pas ça qui manque, il y a des gens meilleurs que moi largement, dans les mosquées, des imams, la imma, etc., qui peuvent, où vous pouvez participer à des cours sur place, pour faire de la lecture avec eux, pour qu'ils vous corrigent, faites-le. Et ça, faut toujours le faire, et c'est un entraînement qu'il faut faire jusqu'à la fin de votre vie, bi'idhnillah azzawajal, pour préserver, ici, cette langue qui est, al-lura, la langue qu'Allah, jalla wa ala, a choisi pour révéler sa parole au prophète Muhammad, alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Donc, il faut toujours réciter avec une personne à côté, rester dans cette ambiance-là. Et inshallah, ta'ala, nous, avant de reprendre l'apprentissage de Surat al-Mulk et reprendre le tafsir de Surat al-Mulk, je vais laisser, je pense, un mois, et on fera le jeudi et le dimanche, que de la lecture. On va prendre et on va essayer de faire, par exemple, la moitié du Coran en lecture ou autre, on verra, et on tournera, tous les frères qui participent, on prendra, soit chacun une page, soit chacun deux pages, on verra, et la lecture, doucement, et on corrigera, pour s'habituer à bien lire et bien corriger. On fera que de la lecture pendant un mois pour bien, ici, lâcher la langue, et si après, bi'idhnillah azza wa jal, je vois que, alhamdoulilah, les gens avancent bien, et qu'on avance bien, et que, alhamdoulilah, tout se passe bien, bi'idhnillah azza wa jal, pourquoi pas, on essaiera, selon mes capacités, j'essaierai de prolonger ou alors de rajouter d'autres cours de Coran en groupe. Mais moi personnellement, nous on a fait un programme léger qui est proportionnel à l'apprentissage et le tafsir du Coran. On a fait les règles de tajwid. On va essayer d'avancer comme il se doit pour la lecture et pour que tout le monde soit autonome. Moi je vous recommande sincèrement et sérieusement après cela, en dehors des cours qu'il y a à la mosquée, que chacun apprenne le Coran et le Karim tout seul. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre quand je vais vous faire le cours sur, et le rappel sur, et à moi-même le premier, sur les règles et les recommandations des savants pour apprendre le Coran et le Karim. D'accord? Ici, ça va être très, extrêmement difficile de se faire un programme lourd. Je dis pas lourd, on va le faire peut-être pendant 6 mois, 8 mois, et on avait déjà fait ici. Lakin, moi je dis tout le temps, parce que le Coran c'est à vie, hein. Si tu commences, tu ouvres le Coran, tu te lances, dis-toi jusqu'à ton dernier souffle, tu dois être encore en train de réviser le Coran. Sinon ça, je veux pas dire ça sert à rien, mais, je parle du côté de, du point de vue de retenir le Coran par cœur, ça sert presque à rien sinon. D'accord? Et on verra, inshallah, ta'ala. À la kulli hal, on continue et on termine ici le dernier cours avec, ici, al-waqf wal-ibtida, l'arrêt. Et ici, on va voir les détails et les différents arrêts qu'il y a dans al-Quran al-Karim et les reprises, comment reprendre al-Quran, quand on peut reprendre al-Quran al-Karim. Il y a certaines règles, je ne vous cache pas, que j'ai mis de côté, parce qu'elles sont très techniques, et je vais vous citer simplement le principal, d'accord, et le plus important, inshallah ta'ala. Donc, lorsqu'on lit Al-Qur'an Al-Karim, il faut savoir que l'on ne peut pas s'arrêter à n'importe quel moment. Il y a des moments où tu peux t'arrêter. Il y a des moments où tu dois t'arrêter, obligatoire. Il y a des moments où c'est interdit de s'arrêter. Il y a des moments où tu as le choix. Soit tu t'arrêtes, soit tu continues, mais c'est mieux de continuer. Ou bien, d'autres moments, soit tu t'arrêtes, soit tu continues, mais c'est mieux de s'arrêter. C'est ce qu'on appelle les arrêts. Et il y a aussi ce qu'on appelle la secte. D'accord? Et tout cela, on va le voir bi'idhnillah azza wa jal. Donc là, on commence avec, ici, détailler ce qu'on va voir, inshallah ta'ala, dans les détails. Donc, il y a ce qu'on appelle al-waqf, c'est la pause. On va plutôt dire la pause. Al-waqf, c'est la pause. La pause, al-waqf, c'est ici un silence. C'est un silence que tu vas faire, qui intervient. Ici, comme ils disent, en fin de mot, de manière à reprendre sa respiration, mais avec l'intention de poursuivre la récitation ou la lecture. C'est-à-dire, tu vas faire une pause, c'est ça ce qu'on appelle al-waqf, la pause. Tu vas t'arrêter, lakin, ton intention, c'est de recontinuer après la récitation, ou alors la lecture. Mais tu as fait une pause qui te suffit pour prendre ta respiration. D'accord? Tu as fait une pause pour prendre ta respiration, et tu as l'intention de reprendre la lecture ou bien reprendre la récitation. Wadih, c'est ce qu'on appelle al-waqf. Et al-waqf se décompose en plusieurs catégories, on va le voir. Le deuxième point qu'on va voir, inshallah ta'ala, c'est ce qu'on appelle al-qat'a. Al-qat'a, c'est l'arrêt. D'accord? Al-qat'a, c'est l'arrêt. Et comme son nom l'indique, c'est une interruption claire de la lecture ou de la récitation qui va permettre au lecteur ou au récitant de faire d'autres occupations. Ah, la chose est différente. On a dit al-waqf, c'est quoi? C'est-à-dire tu as l'intention de recontinuer, de continuer la récitation ou la lecture. Tandis que là, al-qat', tu t'arrêtes clairement. D'accord? Voilà qu'il ici, ça va te permettre d'arrêter, soit de faire un sujoud, ou soit de partir à d'autres occupations. Comme par exemple l'inclinaison, si la lecture se produit pendant la prière ou une autre activité. Claire? C'est-à-dire que tu vas passer à autre chose. Tu as fini la récitation. Et ici, tu vas faire ruku', donc là, tu t'es arrêté. C'est ce qu'on appelle al-qat'. D'accord? Amma quand tu t'arrêtes, mais tu veux reprendre, donc là, à ce moment-là, on appelle ça al-waqf. Wadih? Et il y a la troisième catégorie qui est as-sakt. As-sakt, c'est le silence. Et ici, c'est une légère pause vocale. As-sakt, c'est une légère pause vocale qui dure un peu moins d'un waqf. Un peu moins d'une pause. D'accord? On a parlé de l'waqf. Un peu moins d'un waqf, d'une pause. Parce que ici, al-waqf, c'est par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Je sais que je vais reprendre. Ar-Rahman, je vais m'arrêter. L'Alamin. Ar-Rahman. Là, non, as-sakt, c'est moins, c'est un peu moins que le temps que tu vas laisser entre le premier verset que tu as récité et le deuxième. Wadih? Et c'est ce qu'on appelle as-sakt. Et ici, le récitant ne respire pas. Tu vas pas reprendre ta respiration. Mais c'est pour poursuivre la lecture. C'est-à-dire, tu vas t'arrêter un tout petit peu, mais tu vas, on va sentir l'arrêt. Et ici, ensuite, tu vas reprendre la récitation. Et tu n'auras pas repris ta respiration. Tellement que l'arrêt est court, tu n'as même pas eu le temps et ton intention ce n'était pas de reprendre ta respiration. Tu n'as même pas repris ta respiration. Ça c'est le troisième cas et on va le voir inshallah ta'ala. D'abord on s'arrête avec les al-waqf. Al-waqf c'est les pauses. Et ici plus précisément ce qu'on appelle al-waqf, ici la pause qui est la pause libre. Al-ikhtiyari. C'est une pause libre qui se décompose en quatre pauses. Donc là, on est dans le waqf, sans rentrer plus dans les détails. Donc ici, il y a le waqf, et qui se décompose en quatre, ici, pauses. Ou alors, arrêt, mais on comprend ce qu'est ici, le waqf maintenant. Il y a le waqf at-tam, le waqf at-tam. C'est ce qu'on appelle l'arrêt tam complet. Il y a le waqf al-kafi, qui suffit, suffisant. D'accord? الوقف الكافي il y a الوقف الحسن الوقف الحسن c'est l'arrêt qui est bon حسن qui est correct واضح et on a le dernier وقف donc là on est dans le وقف c'est-à-dire tu t'arrêtes tu prends ta respiration et tu as l'intention ici de reprendre la récitation attention là on parle de cet arrêt-là, faut pas confondre après avec ce qu'on va voir par la suite, inshallah ta'ala, les signes des arrêts. Les signes des arrêts, là, c'est les règles générales, si on veut. D'accord? Comment ça s'appelle quand tu t'arrêtes et tu vas reprendre la récitation? Ça, on voit. Comment ça s'appelle quand tu t'arrêtes mais tu vas plus reprendre la récitation? Comment ça s'appelle quand tu t'arrêtes sans reprendre la respiration et tu continues? Ça, c'est général. Après, on va voir les arrêts, ça va être plus dans les détails. Faire la part des choses. D'accord? On va voir les signes des arrêts, ça va être plus dans les détails. Donc on a al-waqf at-tam, l'arrêt complet, al-waqf al-kafi, suffisant, al-hasan, bon, correct, et al-qabih, al-waqt al-qabih, le dernier, c'est al-qabih, c'est mauvais. D'accord? Le mauvais, d'accord? Arrêt. Al-waqf at-tam, l'arrêt complet. C'est quoi? C'est un arrêt ici dont le sens est complet. Dont le sens est complet. C'est pour ça qu'on dit al-waqf at-tam, il est complet l'arrêt. Parce que le sens, tu t'es arrêté quand le sens, il est complet. Première des choses. Et qui ne dépend pas de ce qui suit par rapport au sens. D'accord? Ça ne dépend pas de ce qui suit par rapport au sens ou bien au lien grammatical. C'est-à-dire que tu t'es arrêté. Le sens, il est bon, il est complet. Et ce que tu as cité ici, ça ne dépend pas, il n'y a pas de relation, d'accord? Direct, c'est-à-dire impératif, ça ne dépend pas de ce qui suit le verset qui va suivre après. Ni au point de vue de la grammaire grammaticale, ou bien ni au point de vue du sens. Wadih? Il est donc autorisé de marquer l'arrêt et de reprendre directement après. Ça veut dire que quand tu t'arrêtes, et que le sens il est complet, d'accord? Et que ici, ce verset coranique, il n'est pas lié impérativement avec l'autre verset dans le sens et dans la grammaire, tu as le droit de t'arrêter ici et tu n'es pas obligé de reprendre le mot ou alors la phrase ou la ayah qui est avant. Tu peux prendre directement l'autre verset coranique. Clair ? Exemple. Ulaika humul muflihun innal ladhina kafaru dans sourate al-Baqara verset 5-6. Vous allez voir, ou dans les exemples dans les versets coraniques en général, quand on s'arrête et quand ici on n'est pas dans une situation où le premier verset coranique il est lié avec le deuxième verset coranique au point de vue du sens et au point de vue de la grammaire. Wadih. Je vous donne à chaque fois les exemples, après vous revoyez tranquillement dans le Coran al-Karim, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps, mais je vous donne. Surat al-Baqara, verset 5-6. Verset 5, et après vous regardez le verset 6, c'est-à-dire au verset 5, tu t'arrêtes, il n'y a pas de mal. Humul muflihun, innal ladhina, t'es pas obligé de dire humul muflihuna innal, non. Khlas, le sens il est complet, il n'y a pas de lien entre le premier verset coranique au point de vue du sens et de la grammaire impérative, c'est-à-dire on peut pas dire l'un ne va pas sans l'autre, t'es obligé de les affiler sinon le sens change. Clair? On a al-waqful kafi. Et ça, ce waqf qu'on a vu le premier, ça revient souvent dans le Coran. C'est pour ça que quand tu t'arrêtes dans un verset coranique, wardeh, tu reprends sans reprendre le verset qui est avant. Il y a l'arrêt suffisant, al-waqful kafi. Ce qu'on a dit, ça suffit. C'est un arrêt dont le sens est complet. Khalas, on est toujours dans tu t'arrêtes. Le sens, il est complet. Mais qui a un rapport avec ce qui suit dans le sens global et qui n'est pas lié grammaticalement à ce qui suit. C'est-à-dire, il est complet, il n'est pas lié à ce qui suit grammaticalement. D'accord ? Ça, on est toujours comme dans le premier. Mais par contre, il est lié à ce qui suit dans le sens global. Dans le sens global, il est lié à ce qui suit. D'accord? Dans le sens global, ce qui suit le verset qui va suivre, il est lié avec. Il est donc autorisé de marquer l'arrêt et de reprendre aussi directement après. D'accord? C'est la même chose que le premier, seulement on précise que ici, dans le sens global, ils sont liés. Dans beaucoup de versets coraniques, mais quand tu t'arrêtes là, le sens, il est quand même complet. C'est-à-dire où tu t'es arrêté, le sens est complet. Wardeh. Par exemple, inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah jalla wa ala dit sourate Al-Baqara verset 6 et 7. Après Allah il reprend khatama Allahu. D'accord? Ici on voit le verset 6 et 7. C'est-à-dire que là on parle des hypocrites. Il y a un sens global qui réunit le verset 6 et le verset 7 parce qu'on parle des hypocrites et ici et des mécréants et on continue à parler d'eux, mais quand tu t'arrêtes ici à la yu'minun, donc ici le sens de ce verset coranique il va être complet en lui-même, mais il est lié dans son sens global avec l'autre verset coranique, mais pourtant tu t'arrêtes là, ça y est, le verset il est terminé. Ça veut dire que même si tu sais que le premier verset, le deuxième verset que tu lis, ils sont liés dans leur sens global, mais ça veut dire que quand tu t'arrêtes dans le premier, le sens en lui-même du premier, il est complet. Mais il est quand même lié dans son sens global. On parle de la même chose et on continue à parler de la même chose. Vous avez compris ? Dans le deuxième verset, à ce moment-là, ça reste quand même la même règle. Tu t'arrêtes, tu as droit de t'arrêter, et tu reprends l'autre verset, et tu n'es pas obligé, il ne t'est pas demandé parce que ils sont réunis dans le même sens global, le premier et le deuxième, reprendre le verset qui est avant. Wadih ? Donc, ici, sans rentrer plus dans les détails, mais pour que vous compreniez et que ça soit assez simple. C'est clair ? Donc ça, en général, on est de toute façon dans les fins de verset, à la fin du verset. On a ce qu'on appelle al-waqful hasan, le bon arrêt, d'accord, ou ce qui est correct. C'est un arrêt, toujours on est dans l'arrêt ou la pause, dont le sens est complet. D'accord ? Le sens, il est complet. Donc on est toujours, tu t'arrêtes, le sens est complet. Mais par contre, il a un rapport avec ce qui suit, tant au niveau grammatical qu'au niveau du sens. Vous avez compris ? Tu t'arrêtes, ce que t'as dit quand tu t'es arrêté, c'est complet. Lakin, le problème c'est que ce qui suit, c'est lié directement avec ce que tu as récité. Ça va avec, c'est lié directement. C'est pas dans son sens global, d'accord ? Mais c'est directement, là on parle de la chose. C'est comme si toi tu as récité un verset coranique, tu as coupé le verset coranique, mais où tu t'es arrêté, ce que tu as dit, c'est complet. Walakin ici, c'est lié dans le même verset, directement. D'accord? Donc ici, tant au niveau de la grammaire qu'au niveau du sens. À ce moment-là, il est autorisé de marquer l'arrêt, mais tu n'as pas le droit de reprendre directement la suite après, tu dois revenir sur ce que tu, où tu t'es arrêté. Un exemple simple. Sourate al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. D'accord? C'est dans le même verset coranique. On a Alhamdulillah. Est-ce que c'est complet ou pas? C'est complet ou pas? C'est complet. Louange à Allah. Alhamdulillah. Mais, tout de suite ce qui suit. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. D'accord? Louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc, ici, est-ce qu'ils sont liés l'un avec l'autre dans le sens? Ils sont liés. C'est dans le, on est dans le même verset. Ils sont liés. Pas dans le sens global parce qu'on passe d'un verset à un autre verset. Non. Ils sont liés directement. Mais pourtant, tu t'es arrêté. Tu dis, Alhamdulillah. Est-ce que le sens, il est bon? Il est bon. Est-ce que tu as droit de t'arrêter ici? On a droit de s'arrêter ou pas? Si tu reviens. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Donc si quelqu'un s'arrête, on va dire, oh, il a fait un arrêt. Non, il a le droit. Lakin, à la règle de base, il faut pas, yani, ça c'est quand quelqu'un n'a plus de souffle, ou bien quand ici, le verset est long, etc. Ça arrive souvent, il n'y a pas de mal. À partir du moment où tu sais que c'est lié dans le même verset, et c'est lié directement le sens, pas global, mais directement le sens, il est lié, et que tu dois reprendre la partie que tu as dit avant. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-waqful hasan. Il est correct, l'arrêt. Mais par contre, il y a des conditions, et les conditions qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Donc il faut donc revenir en arrière et continuer, sauf si la remarque se trouve en fin de verset, car le prophète alayhi salatu wasalam s'arrêtait à chaque fin de verset puis continuer. Clair? Donc ici, on a dit al-waqful hasan. Wadih. Donc après, il donne des exemples. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Là c'est lié, hein, dans le sens, mais la règle c'est que quoi, à chaque fois que tu es en fin de verset, tu t'arrêtes, tu as le droit de reprendre le verset qui est après. Ça c'est la règle générale. C'est pour ça que je dis premier cas et deuxième cas, c'est simple, le verset il est terminé, là tu es excusé. Et on a enfin الوقف القبيح, c'est le mauvais, d'accord, arrêt. Et le mauvais arrêt, c'est un arrêt dont le sens est incomplet. Tu t'arrêtes alors que tu t'es arrêté, le sens, il est, al-ma'na, elle est même pas complète. Clair? Ou alors, ça peut conduire à un sens mauvais. Ou alors, quand tu t'es arrêté, soit c'est incomplet le sens, ou bien, parce que tu t'es arrêté là, tu peux donner un mauvais sens. D'accord? Un mauvais sens, au verset coranique ou aux paroles que tu as citées, kalamullahi azza wa jal. Wadih? On a un exemple dans sourate An-Nisa, verset 43. Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salah. Oh, vous qui avez cru, n'approchez pas la prière, la taqrabu as-salah. Mais regardez là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est complet le sens ou pas? Ça veut dire que là, on va entendre, oh, vous qui avez cru, ou oh, vous les croyants, n'approchez pas la prière. D'accord? Le sens, il n'est pas complet. D'accord? Donc ici, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Parce que après, Allah, il précise dans quel état tu n'approches pas la prière, wa antum sukara. Et alors que vous êtes en état d'ivresse ou vous êtes ivre. D'accord? D'accord? Vous n'êtes pas ici, vous n'avez pas votre conscience. Donc là, il montre, quand tu n'approches pas, il te montre le moment. Mais toi, si tu dis là, taqrabu salah, wa antum sukara. Donc ici, c'est comme si, Tu as donné un mauvais sens, tu t'es arrêté et ce que tu as cité, tu as continué mais tu l'as donné un mauvais sens. Là, même si tu reprends ce qu'il y a avant, ça reste un waqf qabih, mauvais, parce que tu t'es arrêté et le sens ici, il est pas complet. Wadih? Donc il est pas autorisé de marquer l'arrêt, sauf ils disent en cas de nécessité. Si par exemple quelqu'un il a plus de souffle. Donc on va pas dire oh, il l'a pas fait intentionnellement. Tu arrives dans des moments comme ça. Ici, la taqrabu salah. Ah, j'exagère un peu, mais vous comprenez, hein, t'as plus de souffle. Donc là, on va pas dire, mais là, dans ce cas-là, tu reprends. La taqrabu salah. Et tu reprends ici avec wa antum sukara. Pour redonner le sens complet. Mais là, il y a pas de mal. Mais de le faire intentionnellement, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et si tu le fais parce que t'as plus de souffle, tu reprends en arrière et tu continues après. Wadih? C'est clair pour le waqf. Maintenant, on a ce qu'on appelle la secte. Ça, c'est le waqf. C'est-à-dire les règles générales, quand tu t'arrêtes, quand tu t'arrêtes pas. Après, on va voir les signes des arrêts qu'on retrouve dans le Coran, le sin, le sad et le lam, il a akhir. Là, on prend les règles de, du silence, à secte. Les règles de, à secte. Le silence est défini comme étant un arrêt court, sans reprise de respiration, on l'a dit, dans l'intention de poursuivre sa lecture. D'accord? Là, il y a des détails. Je ne rentre pas dans les détails. À la kulli hal. On va parler de, du secte wajib. Ce silence qui est obligatoire. D'accord? On a dit, c'est, il y a des moments dans le Coran, c'est pas souvent, c'est rare, et on va les citer les moments où on doit le faire. Tu t'arrêtes, et ici tu vas reprendre directement, mais tu vas pas reprendre ta respiration. Et ton arrêt, ou ta pause, le silence, on va dire pour être plus précis, le silence, il va être moins long que, ici, la pause. C'est-à-dire la pause, quand tu finis un verset coranique, tu prends une pause avant de continuer l'autre verset coranique. As-saktul wajib, ici, c'est un petit silence sur un mot de Al-Qur'an Al-Karim sans reprendre sa respiration pour un bref instant. D'accord? D'environ, comme on avait dit, harakatan, donc comme ça. Donc ici, quand on déploie par exemple les deux doigts. Moins que deux secondes ou à peu près deux secondes, mais vraiment un peu moins. Puis on va continuer la lecture. Dans le Qur'an Al-Karim, il est représenté par un petit signe. D'accord? Ils vont mettre un petit signe dans le Qur'an. On donne des exemples. Vous avez, et ça je vous les donne, hein, je ne vous les cite pas tous, je vais citer deux exemples. Surat Al-Kahf, versets 1 et 2. Vous allez le voir. Vous avez Surat Yasin. D'accord? Comment on va réciter Yasin? Comment on va réciter Yasin? Kamel? Nombre de temps. Deux temps pour... Sûr. J'espère que vous allez réviser. Hein. Comment ça, deux temps, six temps? Vous n'êtes pas sûr encore pour les choses comme ça? Kef. Ya. Après? Ha. Aïn. Sad. Vas-y, fais-le. Je kiffe. Qui peut le faire? Surat Maryam. Kaf. Yallah. Kaf de toi. Masha'Allah. Bon, Moustan. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est comme ça qu'on dit. Comment on a dit? C'est quoi les règles? On a fait tout un cours sur ça, subhanallah. Adib. Yassine, il y a deux temps. Après, sin, celui-là est simple, six temps. Yassine. C'est clair, on avait expliqué que quand il avait un harf, et qui, ici, grammaticalement, il était décomposé en trois lettres, et qu'il était suivi avec un idrame ou pas, après, on avait expliqué tout ça ou pas? Le mot, il vous révise, Inch'Allah, à la coulée. Yassine, verset 52. D'accord? Vous avez Surat Al-Qiyama, verset 27, Surat Al-Mutaffifin, ici, qui est verset 14. Clair? Donc là, ils vont vous mettre à chaque fois un petit signe, la lettre sin, wadih, elle va être à côté, elle vous montre que c'est un secte. Quand le signe, il est en fin de verset coranique, c'est le verset, il est terminé. La lettre, ils vont vous mettre un petit signe. Là, vous n'appliquez pas la règle si vous vous arrêtez dessus. D'accord? Tu dois appliquer obligatoirement le secte parce qu'il y a la lettre sin. On regarde, est-ce que la lettre sin, elle est placée dans la dernière lettre du verset ou pas? Si elle est placée dans la dernière lettre du verset, ça veut dire que tu vas reprendre un autre verset coranique. Tu fais normal, comme s'il n'y avait pas le sin. Tu appliques cette règle que si toi tu veux enchaîner le premier verset avec le deuxième verset. Wadih? Vous avez ça. Après, on a surat Al-Qiyamah, verset 27, connu, waqila man, d'accord? Sur le nun, vous allez avoir le signe, raqa, d'accord? Ici, waqila man raqa. Donc ici, on va s'arrêter deux temps. On va pas dire waqila man Ra, non, là j'ai fait une pause. Et on va pas dire waqila man ra, c'est faux. Mais là on va faire un sect. Waqila man ra. D'accord? Waqila man ra. Donc vous voyez, c'est une petite pause, je repars. J'ai pas le temps de prendre ma respiration. Il y a le petit signe, clair? Kalla bal rana ala qulubihim. D'accord? Donc ici Allah il dit kalla bal ra. Je peux pas. Là, j'ai eu du temps pour prendre ma respiration. Je vais pas dire kalla bal rana. Non. Et je vais pas dire kalla bal ra. Non. Donc ici déjà ça sonnerait même pas bien à cause du lem avec le ra. Donc ici on dit kalla bal rana. D'accord? On laisse un temps, d'accord? Court, mais moins long que la pause. Kalla bal rana ala. D'accord? T'as pas le temps de prendre ta respiration. Mais on sent la pause. C'est bon, tu l'as fait. C'est ce qu'on appelle le secte qui est obligatoire si le lecteur ici enchaîne sa lecture sans arrêt. Clair? Donc on a donné les exemples où on peut s'arrêter quand c'est en fin de verset. C'est ce qu'on appelle la secte. Et maintenant on termine avec le dernier point. Les signes, donc on a parlé du secte, hein, les signes d'arrêt. Les signes qu'on va trouver dans le Coran al-Karim d'arrêt dans le Saint-Coran. Il y a des signes qui vont vous montrer dans le Coran al-Karim où ils nous facilitent le travail, ils vont nous dire là c'est obligatoire, tu dois obligatoirement t'arrêter. À un autre endroit ils vont te dire là tu n'as pas le droit de t'arrêter. À un autre signe ils vont te mettre là tu as le droit soit de t'arrêter soit de continuer. À un autre signe ils vont te dire tu as le choix mais c'est mieux de continuer que de t'arrêter et l'inverse al-ax. Clair? On a le premier signe, c'est ce qu'on appelle al-waqfu lazim, obligatoire. D'accord? C'est un arrêt qui permet à la phrase d'être complète grammaticalement et du point de vue du sens. Donc, il te dit, tu ne peux pas, tu dois obligatoirement t'arrêter là. Amma quand il n'y a pas les signes, vous avez compris? Quand il n'y a pas les signes, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter autre part? Ah si, parce qu'on a expliqué les arrêts. Mais simplement, il faut respecter ce qu'on a dit. Que le sens soit complet, et que ici il ne soit pas lié avec ce qui suit, et que ici si c'est dans le même verset coranique, et que le sens il est lié avec ce qui suit, et que le sens en lui-même est complet, tu peux t'arrêter, mais lakin si tu veux reprendre, si tu peux t'arrêter, mais si tu t'arrêtes, il faut que quoi? Que tu reprennes le verset que, la partie que tu as récité, que tu continues, là, akhiri. Mais là, il te montre des endroits, parce que souvent, soit là, le verset va être long, et donc pour t'indiquer, ils vont te dire, khlas, ici, en tout cas, t'as pas le droit de t'arrêter. Ici, tu dois t'arrêter obligatoirement. D'accord? Parce que si tu continues avec le sens, il est plus bon. Et ici, il a akhir. D'accord? On a l'arrêt obligatoire. Al-waqful lazim. Ici, ce type d'arrêt est qualifié de parfait ou de complet, car le discours est complet et indépendant de ce qui se trouve après lui. C'est indépendant. Tu dois t'arrêter obligatoirement parce que ce qui va suivre, c'est indépendant. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc ça n'a rien à voir, c'est un grand mot, mais c'est indépendant. Donc ici, qu'est-ce qu'ils vont te mettre dans Al-Mus'haf? Un petit mime. Ils mettent un tout petit mime. Pour te montrer, là, c'est ce qu'on appelle Al-Waqful Lazim. Un tout petit mime qu'ils vont te mettre. Surat Al-An'am, verset 36. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. Pourtant, ici, c'est... Il y en a beaucoup qui vont, ça prête à confusion. Tu vois, si tu connais pas la règle, tu vas continuer. Tu vas dire, qu'est-ce qui me dit de pas arrêter? D'accord? Ici, mais là, par rapport au sens. Innama yastajibu alladhina yasma'un. D'accord? Et ensuite, on a, wal mauta yab'athuhumullah. C'est deux choses différentes. Si tu continues, ça va prêter à confusion. Entre le premier sens et le deuxième sens. Deuxième sens. Donc ici vous avez dans Surat Al-An'am, vous vérifierez après, vous regarderez et réviserez chez vous, verset 36. Il y a un petit mime, te dis pas, bah je peux continuer. T'es obligé de t'arrêter ici. D'accord? Ici quand t'as Allavina yasma'un, tu t'arrêtes. Et ensuite tu continues. Wal mauta. D'accord? Et là on part dans un autre sens. Qui n'est pas lié avec le premier. Ça c'est ce qu'on appelle al-waqful lazim. Un petit mime, c'est obligatoire pour toi de t'arrêter. On a l'arrêt permis, al-waqful jaiz. C'est un arrêt permis, il indique un endroit où il est permis de s'arrêter ou de continuer. C'est autorisé, jaiz. Il t'indique un endroit où il est permis de s'arrêter ou de continuer sans que l'une des deux de ces possibilités soit prioritaire. T'as le choix. Tu t'arrêtes ou tu continues. C'est quoi le mieux? Les deux sont pareils. Et là, ils te mettent un petit gym. D'accord? Ils te mettent un petit gym. Et on dit pas gym, on dit gym, comme on a dit, hein. Ils te mettent un petit gym. Regardez. Ou dans certains exemplaires du Coran, ils te mettent la lettre Zay. D'accord? Dans certains, ils mettent la lettre Zay. Sinon, en général, c'est Jim. Regardez. Exemple, surat al-Nasr. D'accord? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pareil, hein. Vous vérifierez chez vous, hein. Verset 3. Clair? Surat al-Nasr, verset 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc ici, il y a le petit Jim. Soit tu t'arrêtes. Ou bien, ici, tu continues. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Les deux sont acceptés. Il n'y a pas de préférence. C'est pareil. Regardez. On a al-waqf al-hasan, c'est l'arrêt qui est bon, qui est possible. Il est permis. Mais par contre, c'est permis, mais c'est préféré, c'est mieux de continuer. T'as le droit de t'arrêter. Mais t'as le droit de continuer aussi tout en sachant que continuer la lecture, c'est mieux. D'accord? Et là, ils te mettent dans le mushaf un petit sad et lam. D'accord? Ou dans certains exemplaires, ils mettent un sad. Ils mettent sad. Exemple dans surat, fi surat al-Humaza, dans surat al-Humaza verset 4. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ici, kalla, vous avez au-dessus. Donc, le sad et le lam. Ça veut dire que tu as le droit de dire kalla la yum, ça tu as le droit. Mais le mieux, c'est quoi? C'est ici, la préférence de continuer, de dire kalla la yumbadhanna fil hutamah. C'est mieux de continuer. Mais si tu t'arrêtes kalla la yum, c'est autorisé aussi. Wadih, l'exemple, revisez tranquillement après al-humaza verset 4. Il y a al-waqful kafi, préférable. D'accord? C'est pareil, tu as le choix, tu t'arrêtes ou tu continues, mais là l'inverse, c'est préféré de s'arrêter. D'accord? Tu continues ou tu t'arrêtes? Lakin, ce qui est préférable, c'est quoi? C'est de s'arrêter. Et dans le mushaf, ils vous mettent un petit qaf et lam. Un petit qaf et lam. Wadih? Un petit qaf et lam. Ou dans certains exemplaires du Coran, ils mettent un ta. Ils mettent le ta, un petit ta. Mais en général, ils mettent le qaf et le lam collés. Exemple, dans surat al-Munafiqun, verset 1. Vous allez le voir. Le petit qaf et l'am. D'accord? إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Donc ici, tu as le droit de t'arrêter. Ou bien, tu as le droit de continuer. La رسول الله والله يعلم. Et ici, le mieux, c'est de quoi? C'est de s'arrêter. La رسول الله. Claire? Surat al-Munafiqun, verset 1. L'arrêt lié au suivant. Et là, on arrive à la fin. D'accord? C'est un arrêt lié au suivant. Il s'agit de deux endroits proches. D'accord? Il y a deux endroits qui sont très proches. Où il est possible de s'arrêter, mais on peut s'arrêter que sur l'un d'eux. Ça, c'est simple dans le Coran. C'est quand vous voyez trois petits points. Par exemple, dans Surat al-Baqarah. D'accord? Le début d'ici, vous voyez trois petits points. Vous allez voir trois petits points. Et juste à côté encore, trois petits points. D'accord? C'est un arrêt qui est lié au suivant. Donc ici, il y a trois petits points à deux endroits proches. Surat al-Baqarah, verset 2. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبُ. D'accord, là il y a les trois petits points. فِيهِ, au-dessus du ha, il y a trois petits points. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc ici, soit tu dis ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. D'accord, ou bien ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Tu as le choix. Mais par contre, tu t'arrêtes qu'à l'un des deux. Tu peux pas t'arrêter aux deux. D'accord? Soit tu dois t'arrêter à un des deux. Soit la raib, et après tu continues fihi hudan lil muttaqin, ou bien la raib fihi hudan, la raib fihi, d'accord, fihi hudan lil muttaqin. D'accord? Soit à la raib, et après tu continues tout. Ou alors tu t'arrêtes pas à la raib, tu vas jusqu'à fihi, et après tu continues. Wadih? Donc là, il y a trois petits points, et juste à côté encore trois petits points. Tu t'arrêtes soit là, mais si tu t'arrêtes là, tu continues. Ou bien tu continues, tu t'arrêtes au deuxième et après, d'accord, et sans t'arrêter au premier. D'accord? Surat al-Baqara, verset 2. Tu t'arrêtes à un des deux points. Tu choisis pas les deux points. Et pour terminer, le dernier waqf, c'est al-waqf al-mamnu'. C'est l'arrêt qui est interdit. Il indique un endroit où il est défendu de s'arrêter, car si on le fait, la phrase ne serait pas complète et le sens ne serait pas compréhensible parce que ce qui précède cet endroit dépend de ce qui le suit grammaticalement et du point de vue du sens. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Et là, qu'est-ce qu'ils mettent? Un lam, d'accord? Un lam et le alif, d'accord? Collé. Le lam et le alif. Donc ici, vous avez dans surat al-Muddathir, le verset 31, d'accord? Un exemple, il y a plein d'endroits dans le Coran al-Karim, et vous verrez. C'est-à-dire que quand vous avez ici ce lam et le alif, donc à ce moment-là, quand vous avez ce signe-là, ils te disent ici tu n'as pas le droit de t'arrêter, sinon le sens il est incomplet. Quand tu n'as plus par contre de respiration et tu arrives là, la haraj. Tu t'arrêtes là, mais la règle c'est quoi? C'est que tu reprends ce qui est avant. Ça on a vu dans le waqf, d'accord? Ça veut dire que tu t'arrêtes, mais intentionnellement tu le fais pas. Mais si tu le fais, il n'y a pas de mal, parce que tu as plus de souffle, mais tu reprends ce qu'il y avait ici avant. Donc ça, c'était le dernier cours. Inch'Allah ta'ala, on a vu les règles de façon détaillée, sans rentrer trop dans les détails. Et ala kulli hal, Inch'Allah ta'ala, on essaiera de les mettre en application au mieux, bi'ibnillahi azza wa jalla, au fur et à mesure, lors des cours de lecture, Inch'Allah ta'ala. Comme je vous ai dit, mardi, on donnera certains conseils pour savoir comment apprendre, préserver l'apprentissage et comprendre Al-Qur'an, Al-Karim, بإذن الله عز وجل والله تعالى أعلم أحكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى